Chère Nadège, on fait des choix pour essayer de s'en sortir, mais au fond de nous, on sait que ce n'est pas la bonne solution. J'aurais vraiment dû passer plus de temps à réfléchir, ouais. Je m'en veux de t'avoir remise en question. Le vent s'est levé tandis que la pluie s'accumule. Le ciel est si blanc autour de moi, y a rien d'autre que de la brume. Les minutes se consument et mon esprit l'assume. Envers tout ce que j'ai pu te dire, je n'ai jamais eu de rancune. Je ne cesse de penser à toi, je n'ai jamais été focus. Mais pourquoi tout n'a pas pu se passer comme prévu? S'il te plaît, pardonne-moi, je ne voulais pas te faire souffrir. Je ne connaissais pas les conséquences alors que tu voulais mourir. Je suis debout mais je me demande comment je fais. La roue tourne s'il te plaît, je t'aime, ne reste pas allongé. J'ai songé tant d'heures car j'aimerais être à tes côtés. Ça me fait si mal de savoir que tu gardes les yeux fermés. Quand ta sœur m'a dit que tu étais dans un mauvais état, ça m'a tué. Je m'en veux tellement, c'est vrai, ça m'a rongé. Ça me fait mal au cœur rien que d'en parler. D'y pleurer parce que pour rien au monde je ne pourrais t'oublier. Et accroche-toi, la vie mérite d'être vécue, je te l'ai dit. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit ou bien écrit. Je le pensais, je le pense et je le penserai toujours. Car c'est mon cœur qui parle et tu as tout mon amour. Un jour je viendrai te voir, qu'il neige ou qu'il y ait de l'orage. Mais garde le moral, je t'aime, ne tourne pas la page. Mon cœur est enfermé dans une cage de tristesse mais pas de rage. J'ai besoin de toi, je t'en prie, pardonne-moi. Je me souviens quand je te disais de ne pas faire ça. J'aurais tout fait pour venir à tes côtés et te dire que je suis là. N'oublie jamais tout ce qu'on a pu se dire depuis des mois. Nadège, je t'en prie, pardonne-moi. Ne me quitte pas, j'ai tant besoin de toi. Je crois en toi. Ne me quitte pas, j'ai tant besoin de toi. Je serai toujours là, toujours là. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi, de toi. Nadège, crois en moi. Je perds ma voix, pardonne-moi. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi. Je crois en toi. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi. Je serai toujours là, toujours là. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi, de toi. Nadège, crois en moi. Je perds ma voix, ouais. Pardonne-moi. Tu t'énervais en me disant que tout te saoulait. Quand tu m'as dit adieu Faki, j'ai senti une larme couler. À tes yeux tout était fini, c'est à ce moment-là que j'ai compris que pour toi la vie tu ne méritais pas de la vivre. Tant de personnes t'ont fait du mal et t'ont fait souffrir. Pourtant tu es la seule d'entre elles qui doit se battre pour survivre. Tiens le coup, c'est toi seule qui sais si tu peux t'en sortir. Mais sache que tu dois vraiment revenir. Les souvenirs de ce soir-là me font si mal. J'aurais dû tout faire pour que tu retrouves le moral. Depuis je ne cesse de me demander comment tu vas. La pluie ne s'arrête pas et j'attends toujours des nouvelles de toi. À savoir quand tu sortiras de ce putain de coma. Cette histoire me tourmente, Nadège. J'en reviens pas, rien ne change en moi. Je suis toujours resté le même. Pardonne-moi, j'ai tellement besoin que tu reviennes. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi. Je crois en toi. Ne me quitte pas, j'ai trop besoin de toi. Je serai toujours là. Je t'en prie, relève-toi. Pas de soleil ni de sourire dans ma vie, j'ai besoin de toi. On s'est pris la tête mais j'ai compris que c'était n'importe quoi. Oublions tout ça, je suis conscient de mes faux pas. Je demande une seule chose, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Je t'en prie. Je t'en prie, relève-toi. Je t'en prie. Et même si je dois prier ce soir, ce sera simplement parce que je t'aime.